Une dont S me dit qu'elle pourrait être juste une compo pour le piano. Que cela se suffit à soi-même. Cela m'a touchée qu'il la qualifie comme ça. Et moi qui avais mis tant de soin au choix des idées, des mots, parler de ses pièges, de ses stratégies, stratagèmes pour être captivante, captatrice, capteuse. Te prendre dans mes rêves, étoile, étoile d'araignée. Faire preuve de désintérêt, et mon engouement nier. Te prendre dans mes filets, et comme une anglaise filée. Te suivre, parcourir tes abîmes, les espoirs ton cœur abîme. Papillon, piège misérable, filet au bout d'une perche. Animal sauvage et désirable, éphémère. Supercherie, tu triches mais tu ris. Tu m'échappes mais tu ris. Risque de trop toujours, rixe de mes amours. Toujours cette idée de le capturer. Pas d'en faire un jouet, un objet, juste un complice. Une mélodie chantée, très mélancolique. Un piano qui mélange les notes répétées en décrescendo et les arpèges. Et puis, ma voix, un peu plaintive. J'ai voulu jouer avec les mots, leur sonorité. Je ne sais pas si c'est réussi, mais j'ai vraiment tâché de soigner le texte. Prendre sans appât, le leur n'existe pas. Blanche colombe en cage dorée, sans prix ni gage, te prendre à ton piège. Proprement, profondément, être aveugle, sacrilège. Ou bien sourd ou dément. Papillons, ailes irisées, filet au bout d'une perche. Futile, je deviens la risée, éphémère. Supercherie, tu triches mais tu ris. Tu m'écharpes mais tu ris. Risque du trop encore, X, puis friction des corps. Le public est plus réservé au sujet de celle-ci. Il est vrai que même si elle parle de quelque chose de commun, elle n'est pas facile à comprendre. Je suis certaine qu'avec une deuxième écoute, elle serait plus claire, mais peu importe. Parfois, je me sens mal avec mes désirs pour lui. Tout ce qu'ils impliquent. Coup de langue, baiser tendre morsure de lui, sur moi. Sa jolie langue qui part du sommet de ma fente, elle n'effleure pas mon pubis, non, elle pointe tout de suite contre mon bouton, elle est juste douce. Pas agitée, genre tu vas voir comme je lèche bien. Des petits lapements, des sucions délicieuses de mes lèvres. Il a dégagé mon clitoris du bout de ses doigts, mais à présent, seule sa bouche est en action. Je retrouve cette manière toute particulière qu'il a eue de m'embrasser les lèvres un peu plus tôt dans la soirée. Comme un baiser d'ado un peu maladroit étonnée que je me laisse faire. Pas un roulage de pelle dans les règles. Plutôt, je me délecte de toi, de ta bouche, de tes lèvres. Je les mordis, je joue un peu avec ta langue. Tu es délicieuse. Je prends possession de toi de cette manière, mais je te respecte. Eh bien, sa bouche sur mon intimité, c'est ça aussi, doux mais exigeant et prometteur de tellement de choses. Donc, il y a des bruits mouillés à présent, ma cyprine coule entre mes jambes, sur mes cuisses, mais lui, il n'a pas l'air d'être dérangé. Il a coincé ses pouces dans mes aines, et sa langue me taraude, me gobe, me soulève et me transporte. Aspire-moi. Comme ça ? La succion est plus forte, comme s'il avait décidé de me vider de toute cette liqueur. J'aime ça, je mets mes mains sur sa tête et lui attrape les cheveux. Vas-y, oui, oui, oui. Je me sens me liquéfier, me répandre. Il a à nouveau un doigt dans mon vagin à présent et un autre dans mon petit trou. Et là, plus aucune précaution. Il les agite, les fait se rejoindre, les écarte très fort pour que je m'élargisse davantage. Je halète, je suffoque presque. Oui, continue, je viens. Je me tortille comme je peux. Mon bassin fait des petits mouvements, simulant le rapport intime. Se rendant compte de mon trouble, il fait bouger ses doigts plus lentement, mais encore plus sûrement. Je sens qu'il a envie de faire durer les choses davantage. Sa langue, quant à elle, titillant toujours mon clitoris, est de plus en plus rapide. On dit parfois des orgasmes féminins qu'ils sont différents de ceux de ces messieurs. Les miens ressemblent pourtant à ces derniers. Une véritable délivrance. Virtuellement, c'est tellement différent aussi. Avec lui, mon A, mon audacieux, c'est magnifique. Une longue montée, une tempête et puis un feu d'artifice. Quelque chose de fabuleux, de prodigieux. Je n'ose anticiper le plaisir que j'aurai quand je le sentirai en moi autrement qu'avec sa langue ou ses doigts. Il s'est remis dans le même sens que moi. Sa bouche rejoint la mienne. Il me partage un mélange de cyprine et de salive un peu amère. Ce plaigeur tout de même, ça en fait faire des folies, me glisse-t-il à l'oreille. Je suis aux anges. J'avais peur de ne pas pouvoir réagir comme il l'espérait. J'avais peur qu'il ne se sente pas assez viril. Il n'a fait preuve d'aucune brutalité, et pourtant ce plaisir était tellement animal. Le sentir, la tête entre mes cuisses, bon Dieu, quel pied! Oui, je sais que c'est moi qui l'ai comblé en premier lieu, que c'est grâce à mes coups de langue, mes va-et-vient sur son sexe, avec ma bouche, qu'il a franchi un point de non-retour niveau excitation. Le truc, c'est qu'il n'a même pas pris le temps de jouir, lui. Au départ, je trouvais ça étrange qu'il ne soit pas davantage préoccupé par son plaisir alors que je l'embouchais généreusement. Non, il a préféré s'occuper de moi, gentiment, avec beaucoup d'attention. Il faut dire qu'il avait déjà été servi auparavant, mais bon, il y a des hommes gourmands et pas très respectueux du plaisir de leur partenaire, ce qui n'est visiblement pas son cas. Et c'est tant mieux.